il a un truc bizarre là. Du coup, quand ça rebondit dessus, eh ben, il ne voit pas là où on veut.